Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf, c'est la chronique du club de golf de Chibougamau avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel! Bonjour Danny! Michel, je suis content que tu reviennes encore cette année et d'autant plus que le club a ouvert ses portes depuis hier de façon définitive. Exactement. On aurait bien voulu commencer en fait la semaine dernière, mais la mère nature n'a pas voulu collaborer. Fait que donc, on a ouvert hier sous une belle journée, un beau soleil, quand même un bel calendrier au niveau de nos membres. Donc, la saison est partie, on est bien contents. OK. Dis-moi, est-ce que c'est... y a-t-il des grandes nouveautés cette année au club de golf? Non, pas beaucoup de nouveautés. On est plutôt dans nos... consolidation. On va peut-être transformer un ou deux pertes de départ. On fait encore la plantation des arbres en fin de semaine prochaine, le 1er juin, en collaboration avec le club Kiwanis. La balance, c'est pas mal un statu quo. Okay. Je peux dire qu'on a fait notre pré-vente. Ça a très bien été. On est rendu à tout près de 160 membres. C'est bon pareil, 160. C'est encore bon pareil. Oui, oui, c'est excellent. Puis on vise 190 membres. Je n'ai eu encore toute la semaine. Donc, on devrait atteindre notre objectif. Le terrain a été plus difficile un petit peu, compte tenu qu'à l'automne dernier, on s'est fait prendre. On peut dire que l'hiver est arrivé pratiquement tout d'un coup. Fait qu'on n'avait pas eu le temps de préparer nos verres comme il faut. Mmh. Mais là, depuis une semaine, avec nos toiles de germination, beau travail de notre personnel, dans une semaine, ils en ont repris énormément. Puis d'ici 2-3 semaines, là, ils devraient être en mode été 100%. OK, évidemment, c'est vers le début de l'hiver que ça se joue, ça, les verres, pour bien cacher les verres, c'est ça? C'est ça. On met des toiles à l'automne. Okay. Puis avant, on met des fongicides d'hiver. Okay. Puis l'année dernière, on n'a pas réussi à mettre nos fongicides. Mm. Fait qu'on a sorti avec des verres qui sont bruns. Ouf. Ils sont pas brûlés. Okay. Ils sentent pas mauvais. Ils sont pas en mauvaise condition. Sauf que la repousse est retardée. Mm. Fait que donc, au lieu d'avoir eu des boosters tout le long de l'hiver, il a fallu les mettre un produit de printemps. Un activant. Donc, ça va prendre 2-3 semaines. On les a verticotés, on les a ressemés à grandeur. Okay. Et déjà, depuis une semaine, là, comme je te disais, ça annonce bien. OK. Dis-moi, du côté des jeunes, est-ce que le programme junior revient encore une fois cette année? Le programme junior revient. Okay. Avec Jean-Philippe Girard pour une deuxième saison. C'était un excellent travail l'année passée. On avait tout près de 50 jeunes. On vise encore une cinquantaine. Et cette année, au lieu d'en avoir 4-5 qu'on avait, qui sont prêts à aller au niveau régional, on vise peut-être 8 à 9 jeunes qui devraient commencer à figurer au niveau régional. OK, OK. Dis-moi maintenant, du côté des tournois, le même nombre de tournois que l'an dernier aussi? Oui, encore une vingtaine d'activités réparties tout au long de la saison, différentes formules pour un petit peu tous les groupes, tous les goûts, et notre semaine intensive, Super Calcutta, première semaine d'août, encore une fois cette année. OK, OK. Donc, Michel, ça fait le tour pour cette semaine. Pour la première semaine, y a-t-il quelque chose de spécial en particulier? Non, fin de semaine, c'est tranquille, pas de l'activité. Ouais. Donc, tournoi d'ouverture, c'est quand? Le terrain est même en bonne forme, donc on invite tous les gens. L'ouverture de notre champ de pratique en fin de semaine aussi, donc le terrain reprend toutes ses activités régulières. Bon, ben Michel, on s'en reparle jeudi prochain. C'est la chronique du club de golf. Parfait, mon ami. Salut bien.